我哎那哎 哎我 呀哎 Ya, ey, ya, ey, parlami in faccia, lascia la rete, parlami in faccia, non parlare di me, parla con me, ya, ey, ho 10 anni meno di te, e sono molto più real di te, la tua tipa vuole me, la sua pussy vuole me, ey, ya, ooh damn, ey, io sono gang, ya, ey, ooh damn, ya, ey, io sono gang, ey, io sono gang, ey, neri neri, jolly ti prende il posto, per tutti noi sei già morto. Chiamo mi trovi pronto, mi trovi già di sotto, ehi, neri neri, chiama soccorso, giravo senza una lira sant'orso, grazie a Dio adesso sono a posto, ehi, neri neri, oh mio Dio, siamo in 7 nella Clio. Yeah, yeah, yeah. C'est pas comme une faguette, pas commun d'avoir autant de face sur les walls saoulés. Commence à comprendre pourquoi tu vas couler. Mange mes boulets, appelle les poulets. Elle a fait gaffe au poulain, ça va mieux quand je me mets à rouler. J'ai des boulets dans ma ligne, tu veux une boulet. T'envoies en mission vénère, si on investit c'est mort. Ouais, je sais pas des condats tardés qui vont envisager nos tactiques. Mat, nos visages, on n'est pas là par hasard, je vois que des parasites actifs. Mode Florizard, elle a la bœuf sur le dos. Moi, je suis sur moi, c'est pas trop sombre, moi je bouge en même temps, c'est ça que t'aimes. Je suis avec des chiffres au cocktail, pas de la coke. Mat, la zone, mat, la gonfle, je pèse, y'a des poissons. Oh, wow, compare-nous pas à des passants. Wow. La tête, je vais péter une garo. Elle habite à Paris, c'est loin. Soleil se couche, je voyais à loup-garou. Coronaise de créole sur sa pain. Voilà ton cadeau, les gros qui font le tapin. Pourtant, j'ai pas le million. Ouais, je comprends pas trop, y'a, je prends son magie. Saute, sur ma petite grave, je bosse. Tester la team, si t'es fort comme un poli, je te roule comme automatique. Hein, mon émésie, c'est Tommy Genesis. Je veux la voir dans un hantai ou bien un film. Je vais devenir réposé en Suisse. Ok, voudra lécher ma bite. Je fais ma magie, yeah. Ma magie marche. Et j'imagine que je suis marié à déjà 100 ans. Quand je suis mal, je fais ma pain et puis je suis bien. Yeah, je fais ma magie. Yeah, ma magie marche. Yeah.